Monsieur Di Rouston, qui, je vous le rappelle, est le leader maximo du Parti Socialiste, une dernière question avant de rendre l'antenne. Que pensez-vous de l'avenir politique de la Belgique et quels sont les conseils que vous donneriez à nos auditeurs ? Pour répondre à cette question, dans la conjoncture et le marasme économique actuel, ainsi qu'avec le prix du mazout en perpétuelle augmentation, le futur ne m'apparaît pas très rose. Ce dont nous avons besoin pour notre petit pays, c'est d'un changement radical dans notre conception de la politique. Je pense que nous devrions voter une loi cadre qui donnerait les pleins pouvoirs aux péripatéticiennes. Les résultats ne sauraient être que meilleurs. Donc, à nos auditeurs, un seul mot d'ordre en vue des prochaines élections, les putes au pouvoir, car leurs fils y sont déjà. Eh bien, monsieur Di Rouston, ça a le mérite d'être clair. Je vous remercie. Nous continuons nos programmes avec une plage musicale en parfait accord avec ce que nous venons d'entendre. Voici donc Faux Cul de Mambassa Bébé.